pour Monsieur Ciel. Dans les augmentations de, enfin, dans les changements de température et de précipitation qui ont été présentés tout à l'heure, est-ce que ça tient compte des rétroactions liées aux changements de végétation? C'est-à-dire que si, par exemple, on a, comme suggéré là, une transformation des forêts en savane, on imagine qu'il va y avoir un déstockage de carbone, donc une rétroaction positive sur le réchauffement climatique. On peut imaginer aussi qu'on va avoir une chute de l'évapotranspiration, ce qui peut jouer sur les précipitations. Est-ce que c'est des choses qui étaient prises en compte dans les scénarios A2, A1B qui étaient présentés là? Alors A1, A2, je ne peux pas vous le garantir. En revanche, dans les nouveaux scénarios, oui, puisqu'en fait, il y a énormément d'études transverses. Donc on ne va pas rester simplement entre climatologues. On va vraiment essayer de travailler en collaboration avec l'ensemble du milieu scientifique et quel que soit le domaine, de manière à justement à pouvoir faire des modèles plus complexes. J'avais présenté tout à l'heure le schéma d'imbrication des modèles. Et on voit très bien qu'on part de quelque chose de très vaste, hein, à l'échelle planétaire. On introduit une notion régionale et ensuite les différents impacts, que ce soit la végétation, que ce soit la nature du sol, le relief et l'activité humaine, de manière à justement pouvoir créer une simulation. Et c'est pour ça également que les paramètres de simulation sont très réduits. On parlait de watts par mètre carré tout à l'heure, donc c'est de l'énergie, hein, ou alors de température, parce que ce sont des paramètres facilement mesurables et contrôlables. Donc ce sont des paramètres pertinents justement pour les études. Donc la réponse est oui, on prend en compte effectivement les éventuelles modifications de la végétation et de la nature du sol et de l'activité humaine. Ah oui, voilà, j'oubliais trop de choses et c'est Fabien qui vient de me le rappeler. C'est vrai que ça, c'est très important également. Nous faisons également des couplages océan-atmosphère. L'océan étant une source de chaleur et de vapeur d'eau, enfin de température potentielle, nous couplons les variations de température de l'eau de mer avec les variations de l'atmosphère pour avoir des modèles globaux plus homogènes.